rage. On entre dans une nouvelle ère, le temps d'écrire les dernières pages. Rebelle-toi, du noir et peine, envisage pas. Réveille-toi et faisons tout ce qu'ils n'envisagent pas. Marche en marche de leur marche, et la Marseillaise Marcel marche de mourir pour Marianne la maquerelle. Marqué par la manière de maquiller les menteurs en martyr, malmené par la machine, le manque de mots, les créés, le mal, c'était plus la fin. Rien à faire pour la population, si c'était une bonne révolution ou 15 000 exécutions. Inexistante et l'équité, si c'est toi qui partages 6 milliards de frères et sœurs qui se disputent un héritage. Encore conscient, les bonnes consciences sont en pleine montée, au détriment du conditionnement social qu'ils ont implanté. Pour comprendre leur système, il faut se renseigner. Si je trouve une plaie, je plante mon stylo pour la faire saigner. La chair, blessure charnelle, bang. Mitraille sur tous les canaux et c'est toujours la même. Ils veulent nous anesthésier pour mieux nous diriger. Le peuple est un mouton, donc les tailles sont bergers. Chez nous, le bétail, c'est corps, c'est où il va. C'est pas manipulé par des mecs en constat qui lui donnent à peine de quoi manger. Sur le nom, ma femme, on torche à vire. Je crois que le monde s'étorche à vue. Garder sa bourre en plus ou plus, on tient la tête de ce monde. Avis de pouvoir financer égal, respect. Il reste un peu pour ceux qui restent. Bref, nous qu'on parle quand tu lâches, tu laisses. Pourquoi sentons et bien chacun nos gestes. Libère-toi, apprends. La masse est en avant. Il est temps de sortir les gants. De boxe, évidemment. Depuis la nuit des temps, les peuples s'assureront. Leur établissement, oui, c'est un droit, un devoir. Beaucoup plus que l'isoloir. Éclaire-toi. Viens dans la lumière, ne reste pas seul dans le noir. Liberté, égalité, fraternité. Moment du poids, votre devise n'a plus de sang. Génération, pas de chance, je crois pas. Tant qu'il y a de l'envie, il y a d'espoir. Et tant que je suis en vie, j'ouvrirai ma grande gueule. Je débite des tests face à leur hypocrisie et toute cette foutaise. Le monde d'origine. Une grande partie baisse, conditionnée, inégalité, formatée. La devise du pèlerin de base, pas plus côté qu'une base. Pour la jeunesse opprimée par cette société, sacré chose qui choix, on vient niquer l'état. Mais c'est quoi ce monde là? Qu'est-ce qu'on a fait de la planète? Finalement dis-moi que la vie c'est pas ça. J'ai pas envie de vivre comme ça, comme mon lunar. Pas envie de partir à la rage pour une petite part. T'as pas de frappe, tu claques, on traque, moi rien. Marine attendre un petit séjour. Alita, liberta, liberta, liberta. Thank you.